J'te demande pardon. J'ai trouvé des failles, j'ai commis des fautes, je les ai laissées faire. On m'a fait du mal, j'ai prêché le faux, je suis resté vrai. J'ai remonté la pente, j'ai serré le poing sans le faire savoir. Je suis allé de l'avant, le regard loin, sans perdre espoir. Je vous demande d'oublier, mais je ne peux me confier. J'aimerais le crier, je suis pris au piège par ma fierté. Sans avouer, sans parler, j'ai cavalé, cavalé. J'ai tout donné tant d'années, je te demande pas. Parti de rien, ici le vent tourne, je n'ai rien vu venir. J'ai tout laissé tomber, pour un monde meilleur, je te demande pardon. Je n'ai pas su te garder, je me suis perdu ailleurs, ici le temps est long. J'ai fait des choses à contre-cœur, je me croyais innocent. Je n'ai pas entendu tes pleurs, en fait j'étais inconscient. Sans avouer, sans parler, j'ai cavalé, cavalé. J'ai tout donné tant d'années. Jamais aidé.